La vie est dure, on trime, on fait nos dièses et on s'en tire. On s'en tire, on s'en tire alors qu'il y a des échecs et le quotidien où on s'enterre. On s'enterre, on s'enterre, ouais, avec des remords et des gens qu'on peut plus sentir. Plus sentir, plus sentir le vide autour et puis un jour avance et sans se taire. Sans se taire, sans se taire et déclencher les rouages avant que ça empire. Ça empire, ça empire, tout est plus intense et ça monte en ampère. En ampère, et j'en perds mes mots, on souffle, j'ai peur, je transpire. Transpire, transpercer mes cerveaux, j'ai l'âme un peu trop austère. Austère. Même dans ces dangers, devant, je me sens toujours étranger, je me sens toujours étranger. Même dans ces dangers, assumer largement, je t'aime sans te déranger, je mens, je mens. Le temps nous file entre les pattes, un jour ou l'autre on regrettera nos actes. Il va traîner les sanglots du passé, en mémoire des formes aux contours effacés. La santé nous joue des tours, isolés on se ronge la tête. C'est sans détour, s'enfoncer dans l'erreur. Regarde cette planète, regarde toutes ces horreurs. Se plonger dans les pensées, dans les regrets. Des nuits entières, repenser toutes ces plaies. Un champ de bataille, ainsi chacun son arme. Une vie de moins dès que ce bûcheron abat son arme. Attristé de l'ignorance dans leur regard. Est-il possible de voir l'avenir dans ce brouillard? Je vous dis que j'ai peur de rien, mais honnêtement, mes filles, je mens, évidemment. Même dans ces dangers, devant, je me sens toujours étranger, Même dans ces dangers, assumer largement, je t'aime sans te déranger, je mens.